perdu dans le Bronx. Je cherchais Samantha. because we are the people ever to make no, ever to make sound, ever to be sharing. Dansons. Sérieux, c'est la fin. Quand on devient sérieux, c'est la fin. C'est la fin. On se prend au sérieux, mais on continue quand même. Et on se prend au sérieux, mais on continue. Jusqu'au moment où il faut savoir s'arrêter. Proprement. Tchoum, tchoum. Interaction céleste. Thank you Ninja. Thank you Reaper. Thank you. Darwin. Thank you, Karl Marx. Thank you. Mandela. Thank you. communément. Human condition.